Première journée à Whistler, une ville qui a accueilli les JO d'hiver en 2010. Et évidemment, on commence par une grosse session de ski. Vu la quantité de neige sur les trottoirs, ça devrait être pas mal en haut des pistes. On s'enfile quelques pancakes avec Mehdi et on quitte l'hôtel pour aller chercher notre matériel. Ouais, enfin, moi j'ai aussi rendez-vous avec une monitrice, parce que je sais pas vraiment skier. T'es sérieux, t'as jamais fait de ski? Bah si, j'en ai fait une fois, en primaire, et j'ai eu mon flocon quand même. Ouais bon ok, j'avoue qu'après avoir enfilé mes chaussures, je me rends compte que ça fait un bail. J'essaie de suivre Benjamin dans les rues de Whistler, mais je marche comme un robot et mes skis ils arrêtent pas de glisser. Bon, je les serre fort dans mes mains, et là je remarque un détail qui annonce une bonne journée de galère. J'ai oublié mes gants à l'hôtel. On marche depuis 10 minutes, et Mehdi a déjà l'air au bout de sa vie. C'est sûr qu'il aurait moins de mal à porter ses skis s'il avait pas oublié ses gants. Enfin, c'est trop tard pour repasser à l'hôtel de toute façon. Il me montre ses doigts tout bleus et je lui dis que sa prof aura sûrement une paire à lui prêter. Ce qui serait plutôt cool parce qu'il fait à peu près moins 20 degrés en haut des pistes. Linda, ma monitrice, est très sympa. Et heureusement, elle a une paire de gants pour moi. Elle m'emmène skier sur une piste pour les débutants et on reprend les bonnes bases du chasse-neige. Ok, Mehdi, you're all set. Now let's go. Smooth and easy. Ok, good, very good. Elle m'explique que pour bien prendre les virages, il faut s'imaginer qu'on ramasse des mallettes. Du coup, je me retrouve à ramasser des mallettes imaginaires au milieu d'un groupe de gosses de 7 ou 8 ans qui skient tous beaucoup mieux que moi. Et franchement, j'espère que je vais pas croiser un de mes potes dans le coin. Il fait un temps magnifique et il y a de la poudreuse partout, mais quel kiff, franchement. J'ai de la neige jusqu'aux cuisses dès que je sors de la piste, et je me dis que j'ai bien fait d'arrêter le marketing et que je pourrais être dans une tour à la défense en train de retoucher un mauvais PowerPoint. Et puis je pense au pauvre Mehdi qui est resté coincé en bas. Le hasard fait bien les choses, dans la télécabine je rencontre une femme qui elle aussi a décidé de changer de vie. Stéphanie est d'origine béninoise, et on discute en français. Elle me raconte qu'elle bossait dans la pub à Montréal, et qu'un jour elle s'est tout simplement dit « J'ai envie d'être monitrice de ski ». Résultat, la voilà à Whistler en combi, elle y passe la moitié de l'année, et l'autre moitié en Australie. Et ouais, apparemment on peut skier en Australie. On arrive en haut, Stéphanie va rejoindre ses élèves, et d'ailleurs ça me fait penser que je dois aller chercher le petit Mehdi au Jardin des Neiges. Benjamin s'est bien foutu de ma gueule, il a demandé à Linda si j'avais été sage, et maintenant, comme il sait que c'est moi qui ai les sandwichs dans mon sac, il se met à me faire des compliments. C'est bizarre, tiens. Non, franchement, je t'ai vu depuis le télésiège, t'as une bonne technique, hein. Tu te mets bien sur l'avant, t'appuies bien sur tes quarts, franchement... C'est bon, te fatigue pas, j'ai compris. Tu veux le sandwich au poulet ou celui au thon? Après notre petit pique-nique, on prend la télécabine pour tourner quelques plans en altitude, et tout va bien jusqu'au moment où il faut redescendre. Alors là, il y a que deux solutions. Soit on descend à ski, sur une piste noire, hein, et j'ai pas hyper confiance dans mon niveau flocon, soit on prend le télésiège. Et là, l'autre souci, c'est que je vais devoir affronter mon vertige. Je demande au type des remontées mécaniques s'il n'y a pas une autre solution. Évidemment, il me dit que non. Hein. Et je me vois déjà coincé sur le télésiège pendant 15 longues minutes, à 100 mètres au-dessus du sol. Qu'est-ce que t'attends, Mehdi? Vas-y, monte. Bon, moi, je descends, on se rejoint en bas. Bon, bah, allons-y, hein. Y a pas le choix. Je suis cramponné à la barre du télésiège et j'ai l'impression que le poids de mes skis me fait glisser sur la banquette. Pourquoi ils mettent pas des télécabines partout, sérieusement? Et c'est pas humain d'être suspendu dans le vide comme ça. Y a même pas assez de neige en dessous pour survivre en cas de chute. J'essaie de jouer à Candy Crush pour penser à autre chose, mais mon portable est complètement déchargé à cause du froid. Alors je me mets à fredonner un petit air que me chantait ma mère quand j'étais petit. Ça fait une bonne demi-heure que j'attends Mehdi en bas. Je sais vraiment pas ce qu'il fabrique. Enfin bon, moi je pars rendre mon matériel et je vais l'attendre à l'hôtel. Après tout, il connaît le chemin, hein, c'est juste à quelques rues. Ça y est, je suis enfin arrivé. Je cherche Benjamin, mais je le vois pas. Et bien sûr, impossible de l'appeler. C'est bizarre, hein, je reconnais pas tellement la station. Je demande à des passants où est le centre-ville et ils me disent que je suis pas Whistler. Mais à Blackcomb, à 20 minutes de marche de Whistler. Bon, je suis censé rendre le matériel il y a une demi-heure déjà, et en plus je vais réussir à nous foutre à la bourre pour notre prochaine activité. Je déchausse mes skis et je me mets en route à marche forcée. Premier obstacle, des escaliers, que je suis à deux doigts de descendre sur le dos. Et puis je me retrouve sur un petit sentier forestier, la lumière est magnifique, la vue a coupé le souffle, mais j'ai même pas le temps de l'apprécier, là faut que je carbure. Je traverse un cours d'eau, je presse le pas, j'essaie d'allonger ma foulée de robot et j'arrive au magasin complètement en nage. Là, l'employé me dit que Benjamin est déjà reparti. C'est pas vrai, j'espère au moins qu'il va m'attendre pour la prochaine activité. Je dépose mon matos, je repars en courant dans les rues pleines de neige. Je glisse 3-4 fois, je me fais klaxonner par une voiture en traversant comme un dingue. Et quand j'arrive à bout de souffle dans une chambre d'hôtel, Benjamin est en peignoir. Ah bah t'es là, qu'est-ce que t'as foutu? T'es descendu en ski finalement? Non, j'ai couru, je me suis gouré de ville, et puis j'étais à côté, j'ai couru, j'ai glissé, j'avais les skis. Ouais, je vois, bon bah, écoute, tu me raconteras ça tout à l'heure, hein. Là moi je vais aller tester la piscine, on a une demi-heure avant notre prochain rendez-vous. Perfect daylight.